Bonjour et bienvenue pour la leçon Feldenkrais aujourd'hui. On va commencer allongé au sol, sur le dos. Donc, quand vous êtes bien installé, prendre un moment de pose votre conscience sur votre contact avec le sol. De noter quelle partie de vous est en contact avec le sol. De commencer de noter les choses que vous notez. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont entrer dans votre attention et de prendre conscience de ça quand vous commencez de sentir votre contact avec le sol, votre contact avec vous-même, les sensations corporelles. C'est quoi qui arrive? Et maintenant, prenez le moment de sentir votre contact avec le bassin, votre bassin. Quelle partie de votre bassin est en contact avec le sol? Et de noter s'il y a un côté de le bassin, ou un de les hanches qui est plus proche du sol que les autres. Ou peut-être il y a un côté qui est plus étalé. Ou il y a plusieurs autres possibilités de différence que vous pouvez sentir entre le gauche et la droite, le haut et le bas. Et de poser votre conscience sur le haut du bassin derrière et de noter si vers cette partie qui est le début de lombaire, si ça touche le sol ou pas. Et de continuer de monter dans votre attention le bas du dos. Notez la distance entre le bas du dos et le sol. Ou le contact qui est là. Et de continuer de monter sur la surface derrière vous pour sentir le dorsal. On a le dorsal, on a les colonnes vertébrales, mais aussi on a les côtes. Une différence peut-être entre les côtés gauche et droite. Différence au niveau du sens de confort, de rigidité peut-être, de un appui qui est un peu plus aigu ou étalé. Et le fin de dorsal vers le bas de cervical. Si cette partie est en contact avec le sol, et la forme de cervical, la distance entre les cervicales et le sol, et le contact avec la tête. Et de sentir dans votre imagination, votre image de soi, la distance entre le coccyx et la tête. Vous pouvez aller jusqu'en haut de la tête. C'est quoi cette distance? Et de redescendre votre attention dans votre bassin et de imaginer, estimer où est le bas de votre bassin dans la direction des pieds et où est le haut, vers au-dessous de les hanches, plus haut que les hanches, vers la taille. Et si on pose notre attention au milieu de sacrum et on imagine la distance entre le côté droit de bassin et la ligne de milieu au milieu de sacrum, de sentir cette distance. Et maintenant de sentir la distance entre le côté gauche du bassin et le centre de sacrum. Et est-ce que cette sens de différence, est-ce qu'il y a une sens de différence entre les longueurs de ces deux côtés du bassin? Ok. Et de laisser ça, et de plier les genoux. Avoir la plante de pied au sol, une distance entre les pieds qui est confortable, un peu séparée, comme la distance entre les hanches. Et de on va commencer de faire un mouvement de basculer le bassin pour avoir le bas de dos qui va venir un peu plus proche du sol et on lève un petit peu les coccyx, il est plus loin du sol. Donc le bassin, le poids du bassin reste au sol et on bascule le bassin, il roule et le haut de bassin vient plus proche du sol et le bas de bassin va être un peu plus loin. Et après, on revient au neutre. Et de refaire ce mouvement. Et entre chaque répétition, prendre un petit moment juste de faire rien. Tu fais un mouvement plus proche du sol et après tu fais rien. Et de, en faisant ça, de noter que ce n'est pas juste le haut de bassin qui vient plus proche du sol, mais aussi c'est les vertèbres qui bougent. Une transmission de force. Et aussi, il y a différentes manières de faire ce mouvement. Donc, vous pouvez répéter le mouvement, faire des pauses. Et il y a un mouvement qui vient plutôt de les pieds, qui peut aider le bassin de basculer, c'est possible. C'est comme nous commençons de appuyer légèrement avec les deux pieds, ou presque qu'on glisse les pieds plus loin de nous, vers la direction, vers les orteils, et ça bascule le bassin. On peut faire un mouvement où le pied reste un peu plus tranquille, et c'est plutôt le torse, les abdominaux, les côtes, de les structures plus proches du bassin qui organisent le mouvement. Et peut-être les deux est en train de passer, mais juste, vous pouvez choisir de faire un peu plus un ou l'autre. Trouver un équilibre entre l'utilisation des pieds et l'utilisation de différentes parties de torse. Okay, et de laisser ça et prendre une pause. Et maintenant, de commencer de faire un mouvement dans l'autre direction avec le bassin, de basculer le bassin vers le coccyx. Vous allez appuyer plus vers le coccyx. Le bas du dos va venir plus loin du sol. Donc l'espace entre le bas du dos et le sol va grandir un petit peu. Et après, ça revient au neutre. Et pour faire ça, comme avant, on a cette option de aussi engager un peu les pieds. C'est comme les talons viennent un peu plus proches de le bassin, comme on tire un petit peu. C'est comme nous envie de tirer le sol vers le bassin et ça bascule le bassin. Ou on peut même avoir un petit effort qui est plus haut dans le corps et c'est un peu moins les pieds ou les jambes qui initient le mouvement. Même s'ils participent, c'est juste une question d'équilibre, d'initiation ou d'effort. Et qu'est-ce qui passe plus haut dans le dans les côtes, dans les vertèbres plus hauts avec la respiration. Et prendre une pause. Et maintenant, de faire le mouvement dans les deux directions, assez doux. Donc, plutôt vers le coccyx et après vers le haut de le bas de dos. Ou vers le haut de bassin, le bas de dos va aller plus proche du sol, rapprocher du sol et après s'éloigner. C'est une sorte de basculement axial. Sentir et de continuer ce mouvement et d'être pratiquement intéressé sur l'appui exact quand vous faites ce mouvement. Est-ce que ça fait une ligne droite entre les coccyx au niveau des appuis, entre les coccyx et le bas du dos quand on bascule? Ou est-ce que il y a une petite, le chemin aller un peu vers la gauche ou vers la droite, ou peut-être on est plutôt sur un côté de notre sacrum que l'autre quand on fait le mouvement. Juste essayer d'identifier si vous avez même une toute petite habitude qui est présente, préférence. Ok. Et de prendre une petite pause. Si vous voulez, vous pouvez allonger les jambes ou rester avec les jambes pliées. Et de penser maintenant, pendant que vous avez fait ce mouvement de basculer le bassin, est-ce que le mouvement était transmis jusqu'à la tête. Et s'il était transmis jusqu'à la tête, est-ce que la tête a basculé dans quelle direction avec quel mouvement de bassin? On appuie plutôt avec les coccyx et on lève le bas du dos. Est-ce que le mouton vient plus proche du sternum ou plus loin du menton, le nez? Okay. Et replier les genoux et de reprendre ce mouvement, mais avec l'idée de sentir qu'est-ce qui passe avec la tête. Le moteur de mouvement est encore le mouvement du bassin, de bascule vers devant et derrière. Et maintenant, on prend du temps pour sentir le mouvement de la tête. OK. Et peut-être il y a un mouvement de la tête qui est là, peut-être il est moins évident. Et le plus possible, on laisse la tête être bougée. Et continue le mouvement, mais de noter si votre respiration est en train de faire quelque chose en particulier. OK, et prendre une pause. Et cette fois-ci, continue de basculer le bassin haut et bas, comme on avait fait, mais de fixer l'endroit où la tête touche le sol derrière. Ça veut dire qu'on limite le mouvement de la tête. Et juste sans cette sensation, on dit qu'on ne va pas basculer du tout la tête. Et de continuer maintenant, mais de laisser la tête reprendre le mouvement. Qu'on va reprendre spontanément. OK. Et prendre une pause. Et replier les genoux s'ils ne sont pas déjà pliés. Et commencer de basculer le bassin vers le pour appuyer un petit peu avec le bas du dos, c'est-à-dire qu'on lève un petit peu le coccyx, et qu'on allait dans cette direction, on va basculer un tout petit peu la tête comme nous envie regarder au-dessous de la tête. Ça veut dire que la distance entre le menton et le sternum va être plus longue, plus large. Et quand on bascule le bassin pour lève le bas du dos et on appuie avec les coccyx, on vient plus proche avec le menton, va venir plus proche de sternum. Peut-être vous avez déjà fait ça quand vous avez senti juste avant, mais peut-être pas. Et c'est pas un grand mouvement et on cherche pas un mouvement où la tête va glisser beaucoup ou frotter derrière au sol. C'est un basculement de la tête qui correspond à le mouvement de bassin. C'est à travers les colonnes vertébrales, les côtes, le torse, que la tête est bougée. Mais la tête est aussi un peu plus décor. Et de continuer ce petit mouvement. Et d'ajouter la sensation au niveau des pieds. Et c'est presque comme on peut imaginer qu'on peut initier un mouvement avec les pieds qui, les pieds tirent le sol vers le bassin, le bas du dos vient plus loin du sol, on appuie plus avec les coccyx. Et c'est comme nous envie de tirer le sol sous notre pied vers le bassin, ça bascule le bassin, et le montant venir plus proche du sternum. Et après, on repousse le sol. Et quand on repousse le sol plus loin vers les orteils, direction de les orteils, le montant va aller plutôt plus loin du sternum et la tête bascule un petit peu pour regarder au-dessus de la tête. Et l'idée, c'est de chercher un mouvement de transmission entre les pieds et la tête. Avec une, vraiment pas un vrai effort au niveau de la tête. Ok, et de laisser ça, prendre une pause. Ok, et de replier les genoux, et une dernière fois, on fait ce même genre de mouvement, mais cette fois-ci, c'est la tête qui va initier le mouvement. Et c'est un minimum de mouvement, mais c'est comme la tête va commencer de basculer un petit peu pour avoir le montant un peu plus proche du sternum. Un tout petit peu, et tout de suite, le bassin repend et il bascule pour avoir un appui plutôt vers le sacrum. Et après, c'est la tête qui, très doucement, commence à rouler au sol, pas frotter derrière la tête. Il faut qu'il ait assez doux et petit comme mouvement que la tête plutôt bascule au sol. Rouler au sol même. Derrière la tête va rouler un peu au sol pour regarder au-dessus de la tête. Le montant est plus loin de sternum. Et le bassin répond pour soutenir ce mouvement. Ok. Et de prendre une petite pause, allonger les jambes. Et juste prendre le temps de noter votre contact avec le sol maintenant, après d'avoir fait ces petits mouvements, le sens de longueur de la colonne vertébrale, la manière que les côtes sont reposées au sol, le bassin. Et de replier les genoux. Et de sentir le contact avec le bassin. Et de rouler le bassin vers la droite. Et après de revenir au milieu, à droite et milieu. Il y a plusieurs manières de faire ce mouvement, de rouler le bassin directement, d'appuyer un petit peu avec la jambe gauche. Avec le pied gauche au sol, après ça revient. Okay. Et prendre une petite pause. Et maintenant de basculer le bassin un petit peu vers la gauche. Rouler le bassin vers la gauche. Et de revenir au milieu. Et il y a différentes manières qu'on peut faire ce genre de mouvement. On peut rouler le bassin à partir d'un appui avec les pieds droits. On peut basculer les genoux, les deux genoux un petit peu vers la gauche. Et on revient. Il y a beaucoup d'options. On avait exploré ça un peu dans une autre leçon. À gauche et au milieu. De prendre une pause. Et maintenant, on fait gauche et droite avec le bassin. Et d'être pratiquement, pour l'instant, on va rester avec l'idée que les genoux restent plus ou moins verticales. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser les jambes basculer beaucoup vers la gauche et vers la droite. C'est plutôt peut-être un appui un petit peu une fois avec le pied droit pour rouler vers la gauche et après le pied gauche pour rouler vers la droite. Et on reste plutôt avec les pieds dans une position de être pied en position on dit debout. En quelque sens. Et donc, commencez à poser votre attention au niveau de votre tête. Et juste notez si la tête répond ou pas. Prendre une petite pause. Et de replier les genoux et de rouler le bassin un peu vers la droite et en même temps, rouler la tête un tout petit peu vers la droite avec. Et qu'on roule le bassin vers la gauche, on roule la tête un petit peu vers la gauche. Et cherche un mouvement qui a une amplitude qui est similaire entre le bassin et la tête. Ça veut dire que si le bassin roule, je ne sais pas comment dire ça, mais 20 degrés, la tête ne va pas rouler 50 degrés de rotation. Ça veut dire que c'est un petit mouvement de les deux, ou le même basculement à peu près. Ok, et prendre une pause. Et maintenant, commencer de plier les genoux et de rouler le bassin vers la droite, mais la tête va rouler vers la gauche. Et après, ils reviennent ensemble au milieu. Et après, la tête va rouler dans les autres directions que le bassin. Donc, ils sont la tête vers la droite et le bassin à gauche, et la tête vers la gauche et le bassin vers la droite. Et prendre une pause. Et maintenant de plier les genoux et de poser les plantes des pieds ensemble. Donc on les plantes des pieds ensemble et on ouvre les genoux vers le côté. Et de, dans cette position, de commencer de faire un mouvement, de basculer le bassin un peu vers la droite et un peu vers la gauche. Et de noter si maintenant, ce n'est pas exactement une ligne droite entre gauche et droite qu'on fait, et peut-être c'est le bassin va légèrement aller vers le côté, il va aussi aller un peu vers le bas. Ou peut-être pas. Mais juste noter maintenant si c'est peut-être pas une forme exactement linéaire derrière qu'on fait. Et juste noter comment la tête répond, comment les côtes et la respiration répondent. Et prendre une pause. Plier les genoux, avoir le bassin au sol, le pied au sol, plante de pied au sol, les genoux vertical, et de commencer de basculer le bassin d'abord vers le haut pour appuyer vers le bas du dos, et après de commencer de faire un cercle autour de sacrum, comme nous avons vu appuyer, comme on est en train de appuyer sur chaque numéro d'une horloge qui était posée au sol. Donc, c'est une sorte de cercle du bassin au sol. Et prendre le temps de le faire. Et de commencer avec un mouvement qui descendent vers un côté et après remontent. Donc tu fais un petit arc, par exemple, entre le haut 12. Si on fait 12, c'est vers la tête. On fait 12, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et après, on revient 12 heures, 1 heure, midi. Donc, fais une sorte d'arc qui est en haut vers un côté. Et après d'avoir fait un arc plusieurs fois, continue et fais un arc qui descend et fais l'arc en bas, un quart de le cercle en bas, et ajoute cette quart du cercle. Constant juste sur un côté. Et d'explorer ce côté de le cercle, juste un côté de le cercle. Et pratiquement noter le mouvement maintenant de la tête, les yeux, noter si la tête a une tendance de fixer avec la concentration. Et de continuer d'explorer cette idée de faire un cercle. Vous pouvez ajouter encore une autre partie de cercle sur les autres côtés du bassin. Fait quelques allers-retours. Et dans le sens de l'aller-retour, il y a un sens de continuité de mouvement, de douceur. Et de vraiment un arc qui est rond. Et continuez jusqu'à ce que vous êtes en train de faire un cercle tout autour du bassin. Confortable, assez lente pour sentir les différents numéros, pour sentir si vous êtes en train de faire un arc ou plutôt un rectangle ou une autre forme spécifique à vous. Et de noter si la tête est en train de suivre ce mouvement et comment. Et prendre une petite pause. Et de maintenant de replier les genoux et d'inverser la direction de cette cercle. Donc de commencer à faire un cercle dans les autres directions. Doucement. et de noter si la tête est en train de suivre le mouvement. Et si on peut laisser la tête suivre. Et en particulier, on va commencer de suivre avec la tête dans le sens, dans le même sens. Ça veut dire que quand le bassin est vers la droite, la tête est un peu vers la droite. Quand on roule le bassin vers un appui plus proche du coccyx, l'appui derrière la tête est plus proche de le cervical. Et le menton est un peu plus proche de le sternum. Et après, la tête roule vers la gauche. Et avec le bassin. Et quand le bas de dos vient plus proche du sol, la tête aussi va basculer un peu pour, comme nous avons vu, regarder au-dessus de la tête. Une autre manière de imaginez ça, il y a deux manières d'imaginer cette simultanéité de cercle. Il y a plus que deux, bien sûr. Mais il y a deux qu'on peut utiliser maintenant. Un, c'est au niveau des appuis. On imagine qu'il y a une petite montre, un petit horloge derrière la tête, un plus grand derrière le bassin. Et on est en train de circuler au niveau des appuis. Le contact avec le sol. C'est notre indicateur de la simultanéité de notre doux cercle. On peut inverser la direction quand vous voulez. Et avec cette idée de les appuis, la respiration est libre. Et une autre manière d'imaginer cette doux cercle, c'est un, c'est si on imagine qu'on avait une sorte de stylo qui était devant le nez, qui était orienté vers le ciel. Et on avait aussi un stylo qui était au centre du bassin vers le en bas des nombrils, entre les pubis et les nombrils, qui était aussi vertical vers le ciel. Et en fait, on est en train d'écrire sur le ciel, ou si c'était une lumière ou un laser, écrit sur le ciel un cercle avec le bassin et la tête simultanément. Et de continuer avec ce mouvement du bassin, mais juste laisse la tête suivre passivement. Le plus possible, on fait le moteur dans le bassin et la tête, il juste suit, on ajoute le minimum d'effort de suivre le bassin, mais il fait vraiment presque aucun effort. Peut-être c'est juste l'image de le mouvement des cercles pour la tête. Et de continuer. Mais maintenant, c'est la tête qui prend le relais. Et c'est plutôt la tête qui fait le cercle. Et le bassin le suit. Le moteur, l'initiation est plutôt vers la tête. Prendre du temps. Vous pouvez inverser les directions si vous voulez. prendre une pause, allonger les jambes, sans le contact avec votre bassin, avec le dos. Et de maintenant de poser les plantes des pieds ensemble. Plantes des pieds ensemble. Les genoux ouverts sur le côté. Et de continuer ce mouvement de cercle du bassin au sol. Reprendre ce mouvement de faire une cercle. On suit la même image d'aller faire un cercle, mais c'est une différente manière d'organiser le cercle avec les jambes comme ça, ouvertes sur le côté, la plante de pied au sol. Et changer de direction de cercle. Curieux de des parties de cercle qui sont plus ou moins claires. Laissez ça et d'allonger les jambes. Replier les jambes et avoir la plante de pied au sol. Et cette fois-ci, on va faire un cercle avec la tête et le bassin dans deux directions différentes. Et d'abord, on va juste faire le mouvement très simple. Un parti de mouvement, on va dire. Donc, on va rouler le bassin pour appuyer vers le bas du dos. On lève le coccyx, donc on va dire que ça, c'est vers 12. Et aussi, la tête va basculer un petit peu pour avoir le montant plus loin de sternum. Et à partir de cette partie haut, on va dire ça c'est 12, le bassin va partir vers la gauche et commencer à descendre pour faire le cercle vers la gauche. Et la tête va partir vers la droite et commencer à descendre vers 6. Bon, d'abord vers le côté. Et après de remonter, les deux remontent jusqu'en haut, comme nous avons appuyé vers la partie haut de le cercle. Et après, le bassin va rouler vers la droite et descendre un peu au milieu droite, pas jusqu'au vers le coccyx. Et la tête va partir vers la gauche et commencer de descendre avec le bassin. C'est comme nous avons fait l'arc, le demi-arc de haut de bord. Mais la tête part vers la droite quand le bassin part vers la gauche. Et quand le bassin part vers la droite, la tête vers la gauche. Et cette fois-ci, tu commences vers 12 heures, comme on avait fait. Le bassin commençait de descendre vers la gauche. La tête tourne vers la droite et commençait de faire son cercle vers la droite, le bassin vers la gauche. Et tu descends jusqu'en bas que le coccyx est plutôt proche du sol, le menton est plus proche du sternum. Et après, le bassin continue de rouler vers la droite et le bassin et la tête continue de rouler vers la gauche et le bassin, on continue de monter les appuis sur la droite du bassin et sur la gauche de la tête. Jusqu'à qu'on a cette image qu'on va arriver, on va croiser en haut après la tête va continuer vers la droite, le bassin vers la gauche en descendant, on croise en bas. Après, bassin gauche, tête droite. Et on continue de faire les cercles, mais dans cette direction opposée. Un dans la direction de l'aiguille de monte et les autres l'inverse. Et la prochaine fois que vous arrivez en haut de la, en haut, de inverser la direction de le dos. Ça veut dire que le bassin va partir plutôt vers la droite et descendre, et la tête va partir vers la gauche et descendre. Les deux sont encore dans la direction inversée des cercles. Ils croisent en bas et en haut. Laisse la respiration bouger, continue d'être libre, même avec les concentrations. Prendre une petite pause, laisser ça. Reprendre une cercle assez de le bassin et de la tête, mais dans la même direction maintenant. Simple. Et de changer de direction. Très simple. qui est de laisser ça, allonger les jambes. Notez maintenant votre contact avec le sol. Le sens de largeur du bassin. La distance entre le bas de bassin et le haut de bassin. Entre le milieu de bassin et la droite, le milieu de bassin et la gauche. La longueur de la colonne vertébrale. Qui transmet le mouvement entre le bassin jusqu'à la tête. Et de laissez ça et de rouler sur un côté ou l'autre et de se mettre debout tranquillement. Et quand vous arrivez debout, juste notez le sens de position du bassin au-dessus des pieds, le contact avec les pieds au sol, la tête. Et de marcher un petit peu dans l'espace tranquillement. Aussi de noter s'il y a un changement de votre rapport avec le sol, le sens de votre racine dans votre pied. Et ça va. Ça va être la fin de notre leçon pour aujourd'hui. Merci beaucoup et je vous souhaite une très belle fin de journée. Ou début de journée, ça dépend quand est-ce que vous écoutez la leçon. Merci et au revoir.